Pour l'heure, on écoute Histoire vivante sur la première. Passez une belle après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Cette semaine, l'intégrisme en Algérie. On commence à devenir fou. Je sais pas, on n'a pas d'avenir. Du lendemain de l'indépendance aux otages de Marseille, une guerre non déclarée. Oui, une opération suicide sur Paris aurait été envisagée par les pirates de l'air. Ils ont commencé à psalmodier du Coran et ils ont commencé même à préparer une couverture pour éventuellement jeter quelqu'un après l'avoir abattu de l'avion et jeter celui-là. Depuis le début des années 90, l'Algérie compte ses morts et n'en finit plus avec la douleur et la destruction. Aujourd'hui encore, plus de 10 ans après le début de la lutte, les armes ne sont pas éteintes et c'est périodiquement, quotidiennement pourrait-on presque dire, qu'une dépêche tombe relatant de nouveaux drames sanglants. Au milieu des années 90, la télévision suisse romande invite sur le plateau de son émission Table ouverte 4 spécialistes pour tenter de comprendre la nature du conflit algérien et essayer de soulever un léger voile d'espoir. Ce sont des extraits de ce débat animé par Renato Burgi que nous vous proposons aujourd'hui. Cette émission a été diffusée à la télévision suisse romande le 5 mars 1995. Un jour comme un autre ici en Suisse, un jour de plus de mort et de souffrance là-bas, en Algérie. Ainsi, nous vous citerons des extraits d'une bien sinistre chronologie, celle qu'a entreprise Salah Eddin Sidoum, rédigée sur la base d'informations de la presse nationale algérienne et internationale, des agences de presse, des témoignages de citoyens et de faits vécus par l'auteur. Cette chronologie retrace jour après jour, depuis le 11 janvier 1992, la tragique guerre imposée à la population. 10 ans de guerre. Nous avons choisi arbitrairement la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 5 mars 1995 pour vous donner une idée du quotidien vécu par la population. Et encore, avons-nous été obligés de sélectionner ? Impossible, faute de temps, de pouvoir énoncer tous les drames. Au mois de janvier 1995, le département d'État américain publie un rapport accablant sur la situation des droits de l'homme en Algérie. La presse internationale et les chancelleries des pays occidentaux parlent de 1000 morts par semaine. Le Conseil national de transition, le CNT, adopte le décret portant sur la transformation de toutes les cours criminelles en tribunaux d'exception en introduisant le décret antiterroriste dans le code pénal. Une vaste campagne médiatique est alors menée contre les viols et le mariage de jouissance par la télévision et ses relais de la société civile. De nombreux cas de kidnapping et de viols de femmes sont amplement médiatisés durant tout ce mois. La population signale l'apparition de faux islamistes très actifs dans les villages de la Mitidja, de Chlef et de Boumerdès. Au même mois de janvier, on assiste à l'arrestation rocambolesque du journaliste Zaaf, correspondant de l'agence italienne ANSA, et de son fils, à leur domicile à la Casbah, par la police. Officiellement, il aurait hébergé un terroriste. En réalité, il avait adressé à son agence des dépêches concernant les exactions et les exécutions commises par les militaires lors de ratissages dans la Casbah. Salima Ghezali, journaliste algérienne. Ce qui se passe en Algérie, c'est le spectacle d'un désarroi épouvantable. Ce n'est pas parce que nous sommes des barbares, c'est parce que chaque fois que la violence devient insupportable, la riposte naît dans cette démesure du meurtre, de la destruction. En Algérie, vous n'avez pas idée de ce que l'on a déformé. Quand l'armée fait une opération de ratissage, elle coupe les arbres. Quand les terroristes occupent un endroit et qu'ils le quittent, ils brûlent tout, que ce soit une maison ou une forêt. Le vertige du néant. Abed Charef, écrivain et journaliste algérien. En fait, il y a deux manières de vivre. Il y a une partie de la population qui se sent, à plus ou moins juste titre, menacée, donc qui prend des précautions assez importantes. Et donc, cette partie de la population a une liberté de mouvement extrêmement réduite. Mais il y a à côté une société qui vit, qui est bouillonnante, qui est très dynamique. Et si vous allez à Alger, vous pouvez circuler pendant un mois sans peut-être jamais sentir qu'il y a une guerre qui se passe là-bas. Donc il y a un contraste qui est évident, y compris à Alger même. Vous pouvez y rester 15 jours à vous balader partout, y compris dans les quartiers d'Ichou. Vous pouvez ne strictement rien voir. Et de l'autre côté, il y a les bilans qui tombent le soir, la rumeur, etc. C'est ça plutôt qui rappelle qu'il y a un drame qui se passe. 5 janvier 1995, l'instance exécutive du FIS publie un communiqué où elle dénonce tout acte de violence qui vise les innocents, quelle que soit leur tendance ou religion, et quels que soient les auteurs de ces actes. Le 11 janvier, deux pères blancs, Raphaël Deyon et Bernard Lefebvre, échappent à un attentat à Gardaïa. Violent accrochage au quartier Macaria d'Alger entre maquisards et militaires. L'assaut de la villa où étaient retranchés les maquisards est donné aux lance-roquettes. 8 morts. Gilles Kepel, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris. S'il y a une solution, en tout cas, on ne la voit pas dans les médias. Parce que tout à l'heure, vous avez décrit la situation politique algérienne comme caractérisée par l'affrontement entre deux blocs qui prenaient la population en otage. En fait, c'est malheureusement, je crois, encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler le camp islamiste d'un côté et le camp du pouvoir de l'autre, il y a aussi des factions qui luttent les unes contre les autres. Si vous voulez, si on essaye de voir un peu ce qu'est le mouvement islamiste algérien, pourquoi il a pris tant d'importance en si peu de temps et pourquoi ensuite il s'est brisé. Au départ, à l'intérieur du FIS, vous avez plusieurs tendances diverses, plusieurs groupes sociopolitiques différents. Vous avez à la fois ce qu'on pourrait appeler des ingénieurs barbus, des gens qui ont été formés à l'étranger et qui ont assimilé les techniques et les méthodes séculières, et qui en même temps luttent pour une société islamique. Pourquoi ? Pour de nombreuses raisons, entre autres parce que, il faut bien le rappeler, il y a eu 30 ans de domination militaire en Algérie qui a éliminé tous les gens qui n'étaient pas dans la ligne et dans le système du parti au pouvoir. Donc des gens qui avaient des compétences, qui ont été mis sur la touche et qui ont vu dans un mouvement oppositionnel la possibilité d'arriver au pouvoir. Vous avez aussi une bourgeoisie dévote, commerçante et autres. Et puis vous avez cette masse de ce qu'on appelle les hétistes en Algérie, des garçons qui ont le dos au mur, mot à mot, toute la journée, qui sont des désœuvrés. Et tous ces groupes ont fusionné, si vous voulez, ont laissé de côté leurs divergences internes entre 89 et la fin 91, et se sont rejoints dans le FIS pour renverser le pouvoir. Le projet du FIS a échoué politiquement. À partir de ce moment-là, si vous voulez, la mouvance islamique elle-même s'est scindée. Et aujourd'hui, vous avez d'un côté ce qu'on pourrait appeler le FIS et puis l'armée islamique du salut, c'est-à-dire des gens qui sont en fait des élites alternatives, qui souhaitent remplacer les gens qui sont actuellement au pouvoir, mais sans qu'il y ait de transformation complète dans la hiérarchie sociale. Et de l'autre côté, vous avez les jeunes déclassés, la plèbe urbaine, si vous voulez, les hétistes, qui eux sont bien plus désireux de changements radicaux et qui ne font plus confiance aux anciennes élites du FIS pour mener à terme ce changement. D'où l'impossibilité de trouver des intermédiaires et d'arriver à des solutions négociées. 13 janvier 1995, la presse privée rapporte l'assassinat de 6 militants du FLN près de Relizane. 14 janvier, Yayaoui Abdelhamid, journaliste, est tué par balle dans la banlieue est d'Alger. 15 janvier, Salah Nour, membre du CNT, Conseil National de Transition, est tué par balle près de son domicile à Kouba. Le même jour, quatre policiers sont tués à Regaïa. Réunis à Rome, deux ennemis de 30 ans, le grand leader kabyle Hosni Aït Ahmed, l'un des chefs historiques de la guerre d'indépendance, et Ahmed Ben Bella, premier président de l'Algérie, qui s'étreignent, tandis que des islamistes de tous bords, le président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, une militante trotskiste, et le secrétaire général du FLN font cause commune pour arrêter le massacre. Oui, les organisations d'opposition qui se sont réunies à Rome représentent près de 90% des voix des Algériens aux dernières élections et offrent enfin de la société algérienne une image où manquent seulement les éradicateurs, civils ou militaires. Tous ont signé après une semaine de négociations une plateforme qui va maintenant être proposée au gouvernement algérien. Plusieurs mesures sont ainsi demandées, libération des détenus politiques, annulation de la dissolution des FIS, levée des décisions d'interdiction et de suspension des journaux, cessation immédiate et vérifiable de la torture, et avant tout, les organisations présentes à Rome proposent une trêve durant laquelle une autorité transitoire regroupant toutes les parties mettra en place une conférence nationale représentative chargée d'organiser des élections libres. Pierre-François Chaton, à l'époque responsable de l'international au Téléjournal. En fait, ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de tradition démocratique dans ce pays. Il n'y a absolument aucune tradition démocratique dans ce pays. Les élections, il y a eu des élections communales qui ont donné des résultats et qui ont permis l'implantation du FIS dans un certain nombre de communes. Ensuite, il y a eu ces élections générales qui ont été annulées par le pouvoir. Donc la première chose à dire aujourd'hui, c'est faire des élections, c'est une chose, mais il faudrait d'abord fixer des règles du jeu et faire en sorte que tous ceux qui vont participer à ces élections s'engagent à respecter ces règles du jeu. Antoine Maurice, en 1995, est rédacteur en chef au Journal de Genève. La crise algérienne, la guerre civile à laquelle on assiste, et qui, l'autre jour, je citais le chiffre, on citait le chiffre dans notre journal de 1000 morts par semaine. Et les gens, certains lecteurs ont sauté en l'air, ont dit « c'est pas possible », etc. Et j'ai fait un peu des recherches complémentaires, et j'ai constaté que c'était bien ça. Donc c'est une guerre civile très profonde. Cette guerre civile ne pourra, selon moi, être résolue à terme que par une intervention extérieure, par une médiation, parce que visiblement, les acteurs que vous avez décrits très bien dans cette situation de blocage vont, à un moment ou à un autre, devoir recourir à une aide extérieure, non pas une médiation ou un arbitrage autoritaire, mais une aide pour faciliter leur rapprochement. Et de ce point de vue, je pense quand même que la réunion de Rome est peut-être la préfiguration de quelque chose qui va finir par se passer inévitablement. La question, c'est de savoir quand. 19 janvier 1995, explosion d'une voiture piégée au marché de Bougara. 4 morts et des dizaines de blessés. Miloud Bédiar, membre du CNT, Conseil National de Transition, Assemblée non élue, est tué à Alger. 21 janvier, un certain Haraïg, président de la Fédération de football, est tué à Alger. 22 janvier, un commerçant français du nom de Belaïch est tué au square Port Saïd à Alger. Le même jour, l'hôtel Les Cèdres l'Assemblée non élue est tué par balle à Larbar. Une usine de chaussures de la Sonipec est détruite à Delis. 30 janvier, explosion d'un véhicule piégé devant le commissariat central d'Alger, 42 morts, des dizaines de blessés. Nous retrouvons Abed Charef sur le plateau de Table Ouverte, Algérie, la montée des périls, le 5 mars 1995. Moi, je pense plutôt qu'on va vers une espèce d'installation progressive dans cette violence qui a atteint un point assez élevé, mais qui, à mon avis, reste stable. Moi, je ne crois pas aux chiffres qui sont donnés sur les morts actuellement. Je ne crois pas aux 1000 morts par semaine. Disons qu'en gros, à un moment donné, en France, on a senti le besoin de faire pression sur l'armée algérienne, de faire pression sur certains hommes qui symbolisaient l'armée algérienne. Et on a dit, il y a 1000 morts par semaine. Et comme théoriquement, c'est l'armée qui réprime, donc on a dit, ce sont ces types-là et il faut les virer. C'est à peu près ce qui s'est passé. Moi, je ne crois pas à ces chiffres. Je crois quand même que la situation est plus dramatique. Parce que ce chiffre-là, c'est presque du spectacle. C'est de la télé, c'est du spectacle, c'est de la politique. La mort quotidienne, la violence au quotidien qui s'exerce dans les campagnes et dans les zones reculées, celle qui est loin des images, elle est plus dramatique parce qu'elle n'apparaît pas dans les médias. Et moi, c'est cette violence qui me fait peur. On sait qu'elle existe, on sait qu'elle est là, on sait que dans certains villages, il y a un mort par jour ou un mort par semaine, et que ça risque de continuer pendant un an ou pendant des années. Février 1995, de nombreuses femmes sont kidnappées, certaines violées, d'autres mutilées, assassinées, dans la région de Blida et de Chlef, par des groupes armés. Ces actes sont fortement médiatisés par la télévision d'État, des scènes sont diffusées en prime time. 1er février, un journaliste de la télévision, Nasser Ouari, chargé du journal des malentendants, est tué à Sidi Moussa. Ghasmi, syndicaliste opposant, est tué à Remis El Hechna. L'agence de presse APS rapporte que l'Algérie a été élue par acclamation à la vice-présidence de la 51e session de la Commission des droits de l'homme à Genève. Avec Gilles Kepel, retrouvons les origines de l'organisation du pouvoir centralisateur et autoritaire en Algérie, actuellement toujours en place. Une fois que les Français sont partis, que la guerre a été officiellement terminée en 1962, ceux qui se sont effectivement emparés du pouvoir, ce ne sont pas ceux qui ont payé le plus lourd tribut à la guerre, mais ce sont ce qu'on appelle les gens des armées des frontières, ceux qui sont venus de l'extérieur, qui avaient très peu combattu et qui ont imposé un système dictatorial et qui ont éliminé à partir de ce moment-là tous ceux qui avaient des idéaux un peu plus démocratiques parmi les combattants, quelqu'un comme Boudiaf par exemple qui a préféré disparaître, comme Aït Ahmed a été rapidement mis en prison, et ensuite le processus a atteint son terme en 65 quand Boumediene a fait son coup d'état, favorisant aussi la mainmise sur le pays d'un groupe ethnique qui est ce qu'on appelle en Algérie plaisamment les gens du BTS, de la région de Batnat Bessassou Akhras, c'est-à-dire les arabophones de l'Est, de la région du Constantinois, qui, si vous voulez, ont bloqué les évolutions de la société algérienne et ont fait en sorte que toutes les libertés démocratiques ont été confisquées. Alors tant qu'il y avait du pétrole, et tant que le pétrole rapportait gros, on pouvait acheter le silence de la population parce que l'État disposait d'une manne qui lui permettait de redistribuer un certain nombre de choses. À partir du milieu des années 80, le pétrole a commencé à rapporter de moins en moins d'argent. Et c'est le milieu des années 80 qui marque justement le début de ces troubles. C'est-à-dire que l'État n'arrive plus à acheter la paix de la société. 6 février 1995, un cinéaste Jamal Ferraz est grièvement blessé par balle à Alger. Abbassi Madani est hospitalisé à l'hôpital militaire de Aïn Nadja. 11 février, une enseignante, Madame Fatmin Zora Ouraïs, est tuée à El Bihar. 6 gardes frontières tunisiens sont exécutés. 13 février, un responsable d'un des syndicats estudiantins, Abdelhafid Saïd, est tué à Alger. Le même jour, Azedine Medjoubi, comédien et directeur du Théâtre National, est tué à Alger. 14 février, Mohamed Ouaghenouni, militant communiste, est tué à Si Mustapha, banlieue est d'Alger. Bachir Bentayeb, fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, est tué à Alger. Souad Massi, Bladi. Cette chanteuse, dernière arrivée parmi ses sœurs engagées, est également réfugiée en France, car elle a le tort d'être une femme libre et engagée de surcroît. Bladi, c'est mon pays. Un pays déchiré par la guerre et la haine, et chanté par une voix magnifique. Bladi, elle vit. Écoutez Histoire vivante. Cette semaine, l'intégrisme en Algérie. Du lendemain de l'indépendance aux otages de Marseille, une guerre non déclarée. En fait, il y a deux manières de dire le problème. Soit d'essayer de le comprendre, soit de le juger. Ahmed Sharef, écrivain et journaliste algérien. Essayer de le comprendre amène probablement à voir les choses autrement. Je vais prendre un exemple qui est très simple, celui de la démographie qui est très important. Qui doit être réglé, sinon l'Algérie et beaucoup d'autres pays arabes et du tiers-monde n'auront pas d'avenir. C'est le résultat d'un énorme succès qui a été mal géré. En gros, ce qui arrive aujourd'hui sur le plan démographique, c'est le résultat de décisions qui ont été prises à la fin des années 60 et au début des années 70. C'est entre autres la médecine gratuite, ce qu'on a appelé la médecine gratuite. En Algérie, ça fait un peu partie de la langue de bois politique, mais ça a été un truc qui est très simple. Des parties immenses de la population ont eu accès aux médecins, chose qui n'était pas, qu'on ne connaissait pas avant. On avait un taux de mortalité qui était très élevé et un taux de natalité qui était très élevé aussi, avant. Mais avec ces progrès de la médecine, la mortalité a chuté. Ça a donné un boom démographique Et les gens qui sont aujourd'hui des hétistes, qui sont des chômeurs, ce sont les jeunes issus de ce boom démographique. Donc ces gens-là, nés dans les années 70, disons, ils arrivent à l'école un peu plus tard, à la fin des années 70. L'école n'est pas prête à les accueillir. Et puis, ils arrivent sur le marché du travail à la fin des années 80. Aucun pays ne peut répondre à une telle demande. Et donc, c'est cet engrenage des problèmes avec des décisions prises il y a 25 ans qui ont un effet aujourd'hui. Bon, il fallait peut-être prévoir tout ça. Et donc, avant de pouvoir penser à régler la question de l'intégrisme, il faudra redénouer tous les nœuds qui ont été formés. On constate, deuxième constat, c'est que l'intégrisme prend place un petit peu dans les sociétés en mutation. Celles qui connaissent un développement économique, même si c'est positif, quand c'est le déclin économique, c'est encore plus grave évidemment, mais quand des sociétés avancent aussi, du fait de la scolarisation, de l'accès aux gens, d'une base de l'islam, une base qui est souvent rudimentaire et donc pas très poussée, ça facilite l'intégrisme. Et la troisième, qui est bien symbolisée par ce qui se passe dans la bande de Gaza, ben c'est que c'est pas mal d'années d'oppression. C'est que des pays occidentaux ont dit qu'ils allaient participer au financement de la relance économique, qu'ils ont strictement rien fait. Et que c'est un sentiment d'injustice qui est réel, qui est justifié et qui peut avoir des conséquences très graves. Le 28 février, une citoyenne, Amoudi Fatia, est tuée par balle à Dral El Mizan. 1er mars 1995, un habitant de Baraki est tué près de son domicile par balle. Le 4 mars, trois organisations américaines de défense des droits de l'homme exigent une enquête indépendante sur le carnage de la prison de Serkadji. Le 5 mars 1995, c'est le débat à la télévision suisse romande dont vous avez entendu quelques extraits. Vendredi 11 janvier 2002, c'est le 10e anniversaire du coup d'État. Après une décennie de guerre, le bilan est le suivant. Le nombre des victimes a dépassé les 200 000, auxquels il faut ajouter près d'un million de blessés, 15 000 à 18 000 citoyens qui ont connu les camps de concentration, plus de 40 000 condamnations par les tribunaux d'exception, dont plus de 5 000 condamnations à mort, 35 000 prisonniers politiques et d'opinion, plus de 6 000 disparus, un demi-million d'exilés, un exode rural de près d'un million de personnes, plus de 150 000 orphelins et veuves, et plus de 35% de la population sous le seuil de pauvreté. Demain, retour sur la prise d'otages effectuée en 1994 par le commando du GIA avec Sandrine Labatte, auteure du film que vous verrez dimanche soir sur TSR2 dans le cadre d'Histoire vivante. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse Romande, Marie-Françoise Gay et Karine Vouillamo. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.